na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na T'en n'as plus passé, monsieur. T'en n'as plus passé. Mon père a des pop qui se débrouillait. Fais-moi à qui l'était. Où t'y pas de moi, pardonne-moi pour me baiser. Mon corps est d'enfant sans aucun protection. N'a pas l'espoir brûlé. Mon corps est d'enfant sans aucun protection. N'a pas l'espoir brûlé. Et que t'as pris que ma vie tombe. À la vie tombe, tombe. Et t'as pris que ma vie tombe. De la partie saga 2006. Écoute ça. On va l'avoir un grand budget de moins de place. Mon cachet de moins de place. Restez jusqu'à la pluie arrêtée. Comme on réussit à arriver, voilà, voilà, comme on veut redaller. Là, si mon mouillé, mon beau bizarre est tourné. Refait même tracer, ça va faire moins retardé. Par cause de raisin, bec, mon bizarre est se baisser. Au contraire, pas protester, mon fait, c'est qui vous demandez. Blier son passé, la main fait presser. La mon poil la clé, laissez-moi passer. Mon petit jet bizarre pour de neiller. Qu'est-ce que t'appliques que ma vie tombe, à la vie tombe. Évolosique.